Micro. Micro ouvert. Les mots ont des... Oreilles. Ont des... Oreilles. Voilà, et on s'écoute Monsieur Marwan Mohamad, porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France. Voilà, j'avais envie d'un peu aborder ce sujet-là. J'ai trouvé ce petit reportage qui est marrant, quoi, au bout du bout. D'être là avec vous. J'espère qu'on aura le temps suffisamment tout à l'heure pendant les questions de réponse de vous entendre et de répondre à vos interrogations. Je commence en vous racontant ce qui se passe tous les matins au QG de l'UMP. Il y a une réunion de crise, et puis il y a les analystes qui ramènent des sondages. Puis on analyse les sondages, et puis on voit que François Hollande a 4 points d'avance. Qu'est-ce qu'on fait? Brice, Claude, trouvez-moi une solution. Et là, on se dit, bon, on a déporté les Roms, ok, on a maximisé nos scores aux reconduites à la frontière. On a parlé des femmes qui portent le hijab, on a parlé de celles qui portent le niqab, on a parlé des jeunes qui vont dans les mosquées, on a parlé des mosquées souterraines, on a parlé de tout ça, mais on n'a pas encore parlé du halal. D'accord? Le halal, c'est un concept, il suffit de l'adosser à un mot pour que ce mot il trouve tout de suite un intérêt particulier. Des cantines, halal. Du poulet, halal. Du chômage, halal. Du logement, halal. Donc en fait, si vous voulez que vos problématiques soient prises en compte au niveau des pouvoirs publics, la seule chose qu'il faut dire, c'est « j'ai un problème, halal ». Et donc ça va devenir un sujet majoritaire, puisque c'est le sujet de préoccupation des Français. Il faut aller chercher cet intérêt-là et s'en saisir. Donc il y a tout un fantasme qui est construit autour de ça. Le premier fantasme, c'est l'idée que le halal, intrinsèquement, il modifie la nature de la viande. D'accord? Donc ce poulet, il est halal, donc il n'est pas pareil. Il ne bouge pas pareil dans l'assiette. Avant de passer à la moulinette, il ne fait pas la même tête. Il a une manière un peu orientale de bouger dans ce... Le deuxième fantasme, c'est celui de l'invasion. D'accord? Une invasion qui vient, qui est le fruit des aliens. On voit cette altérité de l'autre côté de la Méditerranée, de l'autre côté du monde, ces terroristes, ces sauvages en puissance. Mais aussi un ennemi intime, un ennemi qu'on ne soupçonne pas, un ennemi détourné, qui rampe et qui est l'islam rampant, l'islam un peu souterrain. Et le halal, c'est aussi ça. D'ailleurs, vous avez vu la manière dont Marine Le Pen a exploité cette polémique en disant, voilà, comme une espèce de réalité nouvelle qui se fait jour et qui dit, des millions de Français, sans le savoir, ont mangé de la viande halal. Vous vous rendez compte? Et là, on va faire un micro-trottoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez... Mais on ne savait pas. Le boucher était normal. Bizarrement, il ne s'est rien passé. Ou bien si, il s'est passé quelque chose. Ma femme a eu une gastro-entérite. C'est ça, c'est la faute. Donc, chacun d'entre nous, chacun de nos concitoyens se saisit de cette problématique, la surinterprète, et ça devient une espèce de fantasme. Et le pire fantasme, c'est celui qui voudrait que, quand on mange de la viande halal, on devient musulman. D'accord? Ouais. Et donc, sans le savoir, on est déjà musulman. Chérie, je crois que je suis musulman. J'ai une espèce de tremblement, je me penche comme ça, sans faute, je ne sais pas ce qui m'arrive, je crois que je suis musulman. Et comme tous les bons musulmans, quand vient la pleine lune, je vais dans la forêt et je me transforme en gars. Allah Akbar! C'est ce genre de fantasmes qui sont nommés. C'est ce genre de fantasmes qui sont nourris chez une génération de nos concitoyens qui ont grandi en regardant des films où il y a des Arabes barbus dans des avions qui disent « Please, please, please disconnect the flight ». C'est ce genre d'imaginaire qui est construit. Et donc forcément, on a une vision complètement fantasmée de l'islam et des musulmans. Et cette vision, elle est tellement émotive est tellement paranoïaque sous certains aspects qu'on se retrouve à croire des choses qui sont incroyables. C'est une espèce de nouveau Roswell, si vous voulez. D'accord ? Mais il y a un certain nombre de mythes qui sont entretenus à côté de ça. Donc, c'est bien d'en rire, si seulement la situation elle n'était pas aussi grave sur le terrain. D'accord ? Et pourquoi est-ce que je commence en essayant de détendre un petit peu l'atmosphère ? C'est parce que, justement, ce sujet, il est tellement difficile. Ce sujet, il est tellement porteur de souffrance pour chacun d'entre nous, musulmans ou pas, qu'on a du mal à prendre une certaine distance pour l'analyser. On a du mal à faire fi de nos sentiments parce que c'est nos mamans qui sont discriminées, c'est nos enfants qui se font insulter, c'est nos papas qui sont virés parce qu'ils portent une barbe. C'est ça qui se passe. Et donc forcément, nous, on a tout de suite, on a quoi ? On a la rage. On a envie de réagir. Et donc, on fait que réagir. D'accord ? On suit un agenda politique, médiatique, qui n'est pas le nôtre en vérité. On réagit à des stimulations, à des événements que d'autres personnes que nous ont convoqués, que d'autres personnes que nous ont planifiés. Et nous, on est là, comme un rat de laboratoire, stimulation, réaction, stimulation, réaction, et notre vie, elle se déroule comme ça. Chaque jour, on regarde les news et on se dit, à quelle nouvelle stimulation je vais devoir réagir ? Qu'est-ce qu'ils ont dit encore et à quoi je vais devoir répondre ? Donc, ce que je vous propose, pendant le temps qui m'est imparti, c'est de prendre une certaine distance, d'analyser le phénomène en essayant de le mettre à notre portée à tous, et de trouver des moyens constructifs de le changer. Donc la première chose, comme on l'a vu, c'est l'idée du fantasme, une idée complètement absurde d'une description de l'islam et des musulmans qui en vérité n'est pas réelle, chacun le sait, sauf qu'à force de le dire, et à force de le voir à la télévision, et à force de le construire dans le discours, ça a un impact sur l'imaginaire collectif. La deuxième chose, c'est que l'islamophobie et le discours islamophobe agit comme une arme de distraction massive par rapport aux réels problèmes que traverse notre pays. Pourquoi est-ce que je devrais fournir des réponses sur le chômage, sur la crise du logement, sur la distance sociale grandissante entre les gens, alors qu'il suffit de dire « Hop, hop, hop, regardez là-bas, il y a un problème islamiste. Il y a une réalité du halal qui pose problème à l'ensemble de nos concitoyens. Pourquoi est-ce que je ferais ça ?» D'accord ? Donc à chaque fois qu'il y a un rapport de réponse, de comptabilité qui est convoqué, où un chef d'État, ou un ministre, ou une personnalité politique doit répondre de ses décisions et de ses discours, eh bien, il suffit d'évacuer le problème en allant faire diversion sur des épiphénomènes, des visions fantasmées de la réalité, et l'islamophobie en fait partie. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, un micro ouvert avec un monsieur qui s'appelle Anno. C'est pas mal comme prénom, hein, Anno. Et qui nous parle de l'autisme. Dire après coup, après ce micro ouvert, je me suis vraiment dit génial, vraiment génial, et merci aux gens qui s'impliquent comme ça à fond dans une cause, qui font avancer les choses. C'est fou, parce que voilà, ça marche, quoi. Hein, de ne pas se laisser faire, d'aller, voilà, de travailler pour que les choses changent, pour pas dire évoluer, hein, parce que ça fait comme si le changement était d'office égal l'évolution, pas forcément. Donc c'est pour que les choses changent, et des fois dans le sens positif, tant mieux, vive le changement positif, mais ça encore c'est très subjectif évidemment. Donc dans ce cas-ci, on peut dire que ce monsieur, avec sa bande, on réussit à faire avancer, bouger, changer positivement l'idée de l'autisme. Micro ouvert. Les mots ont des oreilles. Ont des oreilles. Allez, c'est parti alors. Voilà, rencontre ici. Comment ça s'appelle cet endroit ? Ah, en fait, vous êtes dans une maison qui est partagée par plusieurs associations, hein, et un service. Association LAP et Cube et un service qui s'appelle Walopoli. C'est un service de répit d'urgence, hein, dont on va aider les gens en domicile, des familles. Et il y a aussi un bureau de la FRAM, Association francophone d'aide aux handicapés mentaux. Et nous sommes l'APEPA, l'association de parents pour l'épanouissement des personnes avec autisme. Voilà, en fait, c'est le hasard, la rencontre. D'abord, c'est fait au caméo avec un film que j'avais envie de voir depuis longtemps, que j'ai jamais eu l'occasion de le voir. C'était... Comment ça s'appelle encore ce film ? Donc le film s'appelle Ben X et c'est un film qui a été fait par Nick Balthazar. C'est un film qui au départ est un film néerlandophone, donc en irlandais, mais qui a été présenté il y a quelques années au festival du film francophone ici à Namur, en première. Il a déjà quelques années ce film, hein? Je crois me souvenir que c'était 2007 ou 2008, tout à fait. Mais depuis lors, donc en fait le film est basé sur un livre, une pièce de théâtre, et depuis lors, depuis qu'il a été projeté ici à Namur, une réalisatrice francophone, Annick Knott, en a fait une pièce en français, et qui elle s'appelle Nitz. Donc, qui veut dire rien, hein. Ich bin nichts. Okay. Parce qu'en fait, le titre du film, Ben X, ça veut dire Ich bin nichts. Et donc, la pièce s'appelle Nitz. Elle est présentée dans plusieurs villes de Wallonie et de Bruxelles. Parce que ce film est vraiment bien fait, ça parle de l'autisme mais vraiment intelligemment. Je sais qu'il a reçu, enfin à la base c'est tiré d'un fait divers aussi ce film. Tout à fait. En fait c'est tiré d'un fait divers dramatique parce qu'il s'est terminé par la mort de la personne, ce qui n'est pas le cas. Sans trahir le film. Et donc un fait divers, oui, où un jeune autiste s'est suicidé au château des Contagans. Et donc, le film traite plusieurs sujets. Et il traite bien sûr un certain autisme, c'est-à-dire un autisme de haut niveau, puisque le héros a une intelligence certaine, si pas importante, mais il était aussi fort autiste, donc on peut croire que c'est un autisme de haut niveau ou syndrome d'Asperger, mais ça traite aussi la maltraitance, le problème d'étudiants donc dans les classes entre eux où on maltraite les plus faibles. Donc c'est aussi un film sur l'acceptation de l'autre, la tolérance. D'ailleurs, en Flandre, il a fait l'objet d'un dossier pédagogique qui a été distribué, à ma connaissance, à un maximum d'écoles. Traitant ces différents thèmes, l'autisme, les problèmes de maltraitance, je cherche mes mots pour dire, le problème que des élèves entre eux peuvent être extrêmement cruels, voilà. Et quoi, racontez-moi là, comment ça se passe comme ça, puisque je suppose que vous êtes, vous êtes dans le milieu de l'autisme, on va dire ça comme ça. Expliquez-moi. Durant les années, là, comment est-ce qu'on a développé, comment est-ce qu'on a découvert l'autisme, comment ça s'est mis en place, on va pas reprendre la folie, hein, où on enfermait les gens tous dans un. Mais voilà, racontez-moi un peu ce que vous savez là-dessus. En fait, comme beaucoup d'associations, elles se créent parce qu'il y a un besoin. Et en 1975, parce que notre association est devenue une ASBL en 1975, ce qui s'est passé avant, je ne sais pas bien, mais se constitue en association, et elle s'appelait au départ Association de parents d'enfants psychotiques, puisqu'à l'époque, on croyait que les autistes étaient des psychotiques. Hein, donc, expliquez-moi juste la différence, comme ça on se met d'accord sur les mêmes mots. En gros, hein. Disons pour faire bref, parce que je suis pas un spécialiste non plus, la psychose c'est une maladie de type psychologique, et ce que l'autisme n'est pas, puisque l'autisme est un handicap, c'est-à-dire que c'est inné, la personne née avec un problème, je peux en expliquer un peu plus tard, pour en revenir à notre association, mais donc la prise en charge... aussi un mot que je n'aime pas beaucoup, mais je n'en trouve pas d'autres, des personnes, et surtout des enfants autistes, à l'époque, étaient tout à fait déficitaires. Donc, il n'y avait pas grand-chose de spécifique pour eux. Et donc, les gens se sont constitués en association et ont commencé à se battre, à revendiquer, et ont obtenu de sérieux résultats, puisque depuis lors, nous avons, avec l'aide de professionnels comme le professeur Majerotte, qui est maintenant professeur émérite de l'université de Mont-Séno, mais qui a mis en place les premières classes spécifiques pour autistes, qu'on appelait TEACH, parce que c'est une méthode qui vient des États-Unis, Hein, et maintenant, nous avons de l'ordre de plus de 70 classes dans une quarantaine d'écoles d'enseignement spécial et qui offrent ce type de, d'enseignement donc spécialisé. Ça a changé de nom maintenant, ça s'appelle classe de pédagogie adaptée à l'autisme. Il y en a encore d'autres. Donc dans l'enseignement spécial, il y a des classes encore plus spécialisées. Donc celle dont je viens de parler pour l'autisme, il y a aussi des classes de pédagogie adaptées à l'aphasie dysphasie et au polyhandicap. Hein. Et donc on a mis en, on a insisté et aidé à la mise en place de ces classes, à la mise en place, à la création, à la mise en place de services spécialisés. Le plus connu, ben c'est le SUSA. Et qui depuis l'aura est devenue une fondation, mais c'est un service universitaire, donc SUSA, c'est un service universitaire spécialisé en autisme, émanation de l'université de Montsénau, qui est maintenant pris une forme de fondation et qui regroupe un centre de diagnostic, dont je pourrais parler plus tard, des services d'aide à l'intégration dans les différentes tranches d'âge, une association qui a pour but de créer du logement adapté. Enfin bon, voilà. C'est ainsi qu'on a aidé à créer deux centres spécialisés, un qui s'appelle Mistral, qui est à Saint-Georges, du côté de Liège, vers Liège. Un autre qui s'appelle les Aubépines, qui est donc à Sarisbach, c'est en direction de Bruxelles. Donc des centres donc résidentiels pour personnes adultes avec autisme. Et puis, bon, enfin voilà, donc l'évolution de notre association. Et on continue à se battre parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Bon, on a obtenu que... Donc notre association a été créée en 75, et c'est en 2004 que nous avons obtenu la reconnaissance de l'autisme comme handicap spécifique. Donc vous voyez le temps qu'il a fallu pour arriver à cela. Quoi, sinon, c'était reconnu comme quoi? Ben c'était reconnu comme on était resté dans le vague, et d'ailleurs nous avons encore pour l'instant un certain nombre de professionnels qui considèrent l'autisme comme une maladie. Hein. Mais quand vous dites que vous avez gagné ça, cette manière de traduire les choses différemment, ça c'est une chose, mais ça, on gagne. Enfin, qu'est-ce que vous avez gagné derrière ça aussi, quoi? Enfin voilà. C'est-à-dire que disons, en théorie, ça veut dire que on doit appliquer, par exemple, les données de l'OMS, l'Office mondial de la santé. Hein, il y a des classifications, et dans ces classifications, ben, l'autisme a sa place. L'autisme n'a pas sa place comme une maladie, mais bien comme un handicap. Hein, et donc, ce qui veut dire aussi que les méthodes de prise en charge qu'on va utiliser ben, doivent être adaptées à ce qu'est l'autisme, et certainement pas à ce qu'il n'est pas. Hein. Et c'est ce qui ça nous pose toujours problème, beaucoup plus d'ailleurs dans la partie francophone du pays qu'en Flandre, parce que nous avons encore pas mal d'influence de nos voisins français, où l'école psychanalytique qui considère l'autisme comme une maladie, certains parmi les psychanalystes reprochent l'autisme de l'enfant à sa mère. Hein, il y en a encore qui croient que c'est la maman qui, dans son fort antérieur, en fait, ne le voulait pas. Et puis quand il naît, je ne connais pas très bien, mais je sais en tout cas que ce sont des choses qu'on a crues dans le temps. Hein, on est passé par là. C'est vrai aussi que c'est l'école psychanalytique qui est la première à... à considérer l'autisme, les autistes, non plus comme des fous, mais comme des malades. Hein, donc, c'est une école qui a apporté quelque chose au combat qu'on mène. Mais maintenant, c'est complètement dépassé. Hein. Je fais souvent la comparaison. Ben, dans le temps, on croyait que la Terre était plate et qu'arrivé au bout, on tombait. Ben, il y a longtemps qu'on sait que c'est pas comme ça. Et je crois que certains n'ont pas encore évolué. L'autisme est maintenant décrit, j'ai parlé de l'OMS, c'est une échelle internationale. Il y a aussi ce qu'on appelle le DSM-4, qui est un code d'emploi pour les psychiatres, mais qui donc est américain, et auquel beaucoup on se réfère normalement à l'échelle internationale. Non, le nom m'échappe, je crois que c'est ICDRGLIS, mais enfin, c'est un problème de spécialiste, hein, c'est pas un problème d'association. Enfin, nous, ce que nous voulons, c'est que on se réfère à des notions scientifiques reconnues, établies. Hein. Donc, par exemple, notre association, maintenant, nous participons à un très beau projet qui s'appelle Participate Autisme. Nous avons mis, enfin, quand je dis nous, c'est-à-dire 11 partenaires. Les deux principales associations de parents que sont notre association dans la partie francophone et la VVA, la Vlaams Vereniging Autisme en Flandre, et puis les 8 centres de référence et de diagnostic mis en place par l'INAMI dans toute la Belgique, hein, nous sommes associés et pour créer un site internet consacré à l'autisme et qui sur lequel vous allez trouver la réponse à la plupart des questions que vous m'avez posées, vous allez me poser. Et donc c'est un site qui est composé de, d'abord il est bilingue, vous y entrez, choisissez votre langue au départ, le néerlandais ou le français, et après ça il y a 3 parties différentes, 3 modules comme nous disons. Qu'est-ce que c'est que l'autisme, donc tout ce que je viens de vous dire, ce que c'est, les notions théoriques. Deuxièmement, maintenant que je sais que c'est de l'autisme, qu'est-ce que je peux faire? Et troisièmement, un carnet pratique, ce que nous appelons le journal de mon enfant, c'est-à-dire un sorte de journal électronique dans lequel, avec clé de confidentialité, dans lequel les parents peuvent mettre tout ce qu'ils désirent dire aux professionnels ou aux gens qui vont travailler avec leur enfant. Et ce site, il a été créé, donc tout ce qu'il y a dedans a été avalisé par les principaux spécialistes belges en la matière. En fait, les 8 centres de référence, ce sont chaque fois des centres qui sont accolés à un hôpital universitaire et université. Hein, donc vous allez trouver sur Bruxelles, par exemple, dans la partie francophone, l'UCL et l'ULB, hein, donc... Saint-Luc et l'hôpital des enfants, à Mons, l'UMH, hein, à Liège, ben, l'université de Liège, et pareil en Flandre. Donc, hein, donc quand on va sur le site, il y a une photo où on présente ce qu'on appelle le comité scientifique élargi. Ben là, vous allez retrouver toutes les grandes pointures belges, parce que nous avons une meilleure réputation d'ailleurs à l'étranger qu'en Belgique, comme d'habitude, mais nos spécialistes sont reconnus, et là... Ceux qui connaissent les visages verront Théo Peters, Peter Vermeulen, le professeur Majerot, le professeur Ruyers, le professeur Steyart, et qui sont des psychiatres, des neurologues et des psychologues. Par exemple, Peter Vermeulen, c'est un néerlandophone. Ben, c'est notre seul docteur en autisme en Belgique, parce que c'est un diplôme qui n'existe pas en Belgique, mais qu'il a acquis aux Pays-Bas. Ben voilà, donc voilà le type d'action que nous menons. Regardez, si j'entends bien, vous parlez d'autisme, vous dites dans le temps, ben voilà, on pensait que c'était une maladie, maintenant c'est considéré comme un handicap. Donc quelque part, c'est un bon chemin. Et ça donne aussi, enfin moi je connais pas hein, l'autisme, mais voilà. Je pose une question, est-ce qu'on n'a pas tous à l'intérieur de nous des degrés d'autisme, vous voyez, quand on s'enferme dans sa bulle est-ce qu'on a, enfin, j'imagine bien que chez certaines personnes, ça pose vraiment un problème. Hein. Quand vous dites s'enfermer dans une bulle, je commence déjà à réagir. Hein, c'est une idée reçue. Hein, c'est une idée reçue, mais qui a longtemps couru. Ça fait partie de ce courant de pensée qui a eu pignon sur rue pendant de longues années. Non, l'autiste ne se retire pas. Il ne peut pas. Hein, vous savez, on sait qu'en fait, qu'est-ce que c'est que l'autisme? C'est un trouble envahissant. Attendez un petit peu, TED. Trouble envahissant du développement. Du développement de quoi? Du cerveau. Donc c'est un problème génétique. La cause, au départ, c'est un accident génétique et qui va donner un problème de développement neurologique du cerveau. Plus on progresse, plus on comprend, on va dans les détails. Les grands principes, ils sont acceptés partout. Oui. Attendez, parce que je comprends pas bien. Plus on progresse dans la recherche de l'autisme, c'est ça? Oui, plus on progresse, mais non pas seulement dans l'autisme, mais plus on progresse dans la génétique, mieux on est à même de comprendre ces accidents génétiques dont j'ai parlé. Donc on a identifié une dizaine de gènes qu'on pourrait appeler précurseurs de l'autisme, mais ce n'est pas le gène, c'est une anomalie sur le gène. Et pour comprendre ces anomalies, ben, il faut que la science progresse. Et donc c'est la génétique. Le deuxième domaine dans lequel on progresse, parce que ce problème génétique va déboucher sur un développement différent du cerveau. J'ai peur de dire anormal, différent du cerveau. Et là, pareil, plus on progresse dans nos connaissances dans le domaine de la neurologie, et mieux on comprend. Donc au départ, on parlait de problèmes de neurones en neurones. Maintenant, on en est déjà à ces neurotransmetteurs qui sont posés, qui sont... Là, j'entre dans mon domaine d'incompétence. Si je comprends bien, sur les neurones, la myéline et tout ça, ce sont des éléments qui vont faciliter la transmission entre neurones. C'est là que se posent les problèmes. Et donc, le cerveau va les connexions donc, ça, à l'intérieur du cerveau vont se développer différemment. Et c'est ce qui fait que les autistes ont une manière de raisonner, de voir le monde extérieur différente des gens ordinaires. Et quand vous disiez, par exemple, repli sur soi-même, non. Mais à partir du moment où, dans la plupart des cas, la zone du cerveau dans laquelle se règle ou les relations sociales et tout ça, parce qu'il y a des zones du cerveau qui sont spécialisées, si il y a eu des connexions différentes, ben forcément, et si cette zone-là n'est pas normalement activée, je m'explique mal, mais je ne suis pas un spécialiste, eh bien, ça va provoquer des problèmes. Et donc, ce n'est pas un repli, mais une impossibilité de réaliser. Une défense, alors ? Même pas. Non, même pas. Je vais faire une comparaison avec les problèmes d'ouïe, de malentendance, hein, donc de surdité. Moi, naïvement, je croyais que une personne sourde, c'était quelqu'un qui n'entendait pas parce que son oreille, je situais le problème au niveau de l'oreille. Jusqu'au jour où, dans mes activités ici à l'association, je me suis retrouvé en colloque avec une dame qui, elle, militait dans une association pour les sourds et malentendants. Et qui m'a expliqué que non, beaucoup de sourds, je connais pas les pourcentages, ont une oreille parfaitement constituée, mais c'est l'utilisation des signaux dans le cerveau qui ne se passe pas normalement. Et ou bien il n'y a pas de signal, ou bien il y a un signal qui est trompé. Bien, pour l'autisme, c'est pareil. Nous avons notre cerveau est sollicité, les sollicitations sont envoyées dans le cerveau, et là, on les utilise, on les connecte. Si les connexions sont différentes, bien, la réaction va être différente. Et c'est ce qui se passe dans le domaine de l'autisme. Mais ça se passe dans des domaines bien particuliers qui sont les relations sociales, la communication et l'imagination. On appelle ça la triade de l'autisme. Maintenant, on dit aussi, et l'explication de ces connexions dans le cerveau l'explique, c'est qu'il y a autant d'autisme qu'il y a de personnes autistes. C'est ce qui pose d'ailleurs de gros problèmes à notre association, mais aux parents, mais surtout aux professionnels, puisqu'il n'y en a pas deux pareils. Et donc, il n'y a pas de solution standard que vous pouvez appliquer d'un cas à l'autre. Non, l'autisme demande des prises en charge tout à fait individualisées. Et c'est très complexe. L'autisme, cela va de gens avec très peu d'intelligence jusqu'à des gens avec une énorme intelligence. Tous les surdoués ne sont pas autistes, mais parmi les surdoués, il y a beaucoup d'autistes, première chose. Et aussi dans l'autisme, dans les manifestations de l'autisme, il y a des gens qui sont très autistiques, très autistes, et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc on pourrait utiliser deux échelles, une échelle du handicap mental, une échelle de l'autisme, et dire que un tel est très intelligent et a peu d'autisme, ou que tel autre a très peu d'intelligence et beaucoup d'autisme. Ça, c'est un cas très lourd. Hein. Et puis, c'est très variable d'un individu à l'autre. Et c'est ce qui pose le problème des prises en charge, puisque, comme je l'ai dit, Il faut vraiment individualiser parce que la solution qui est bonne pour celui-là, pour A, n'est pas bonne pour B. Et inversement. Mais c'est très complexe. Et donc, le combat que nous menons actuellement, c'est que d'obtenir que dans la plupart des métiers où on va être mis en contact avec des personnes autistes, on ait au moins une information. Et plus le métier, est spécialisé vers ce type de problème qu'est l'autisme, plus la formation doit être spécifique. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui s'occupe, des aides familiales, par exemple, qui vont au domicile, et qui sont amenés à rencontrer quelqu'un qui a de l'autisme, ben, là, une petite information suffit. Mais, par exemple, il y a différents services, dont celui qui est ici dans cette maison. Il y a des services donc, qui vont maintenant faire du répit d'urgence, c'est-à-dire la maman est hospitalisée. Ce service de répit va envoyer quelqu'un pour remplacer la maman et s'occuper de l'enfant autiste ou de la personne autiste. Ces personnes-là doivent avoir une même aide familiale, doivent avoir une formation plus spécialisée. Et donc ce type de formation, ben, mais je répète, pour la vie de tous les jours, une simple information suffit. Mais dès qu'on commence à devoir travailler avec des personnes, là, il faut aller beaucoup plus loin. Vous savez, quand j'ai constaté que beaucoup de pédiatres sont complètement désarmés, donc n'ont pas reçu de formation. Oh, donc là, il y a un rôle de dépistage qu'ils ont difficile à assumer puisqu'ils n'ont pas été formés. Et ça, c'est notre combat, c'est d'essayer. Nous ne demandons pas que tout le monde devienne spécialisé, mais qu'au moins les gens, en fonction de leur métier, en sachent suffisamment pour dépister, éventuellement, modifier leur attitude et faire appel à des gens plus spécialisés. J'entends bien ce que vous me dites, pour voir si je comprends bien. Mais en fait, le service de répit dont vous parlez, qui se trouve dans les locaux ici, c'est pour des personnes... Si c'est pas autiste, hein. Mais donc il y a pour l'instant nous avons sur la province de Namur, ce sont des projets qui sont subsidiés par la WIP. L'idée étant de les pérenniser plus tard, hein, de développer ce genre d'initiative. Et donc ce sont quatre services il y en a trois qui ont été mis en place au sein de la province de Namur. Le quatrième par l'association. Et donc le but étant d'offrir un répit d'urgence, mais c'est pas un répit d'urgence destiné à la personne, c'est un répit d'urgence destiné aux familles. Comme je le disais, la maman doit être hospitalisée, et c'est donc dans certains domaines de handicap qu'on pourrait qualifier de grande dépendance, comme le polyhandicap, l'autisme, personne aveugle, etc. Donc, hein. Et donc, voilà. Je pense que ça répond à votre question. Et donc, par exemple, comme je fais partie d'une commission subrégionale de la WIP, je fais partie d'un comité qui suit ce genre d'expérience. Et donc, là, par exemple, il s'agit d'aides familiales. Ben, ces aides familiales ont reçu des formations. Donc, ce sont des volontaires sélectionnés et puis qui reçoivent des formations spécifiques. Et nous, par exemple, notre association, nous avons donné des séances d'information à la prise en charge des personnes autistes. Parce que vous me parliez aussi juste avant, là, qu'il y avait, si j'ai bien compris, un professeur, il y avait un seul professeur formé, il a dû aller aux Pays-Bas, c'est quoi là? Un docteur, qui a un titre de docteur en autisme, c'est une spécialisation, hein, mais donc les premiers cours de niveau universitaire, à ma connaissance, donc spécifiques d'autisme, ont été mis en place l'année passée ou l'année précédente à l'université de Montsenot. Depuis lors, il y en a peut-être d'autres ailleurs, je m'en voudrais de verser quelqu'un, mais à ma connaissance pour l'instant, des cours avec diplôme ou certificat de niveau universitaire, je ne les connais qu'à l'université de Montsenot et d'Onandon. Et donc, Peter Vermeulen, qui est néerlandophone et qui travaille dans un service qui s'appelle Autisme Central, basé à Gand, Il est docteur en autisme. Nous avons par exemple chez nous en Wallonie Monsieur Willet qui est docteur en psychologie, mais lui son doctorat c'est sur les troubles du comportement, mais donc il n'est pas docteur en autisme, alors que bon, c'est un des meilleurs connaisseurs, hein, mais nous n'avons pas cette ce n'est pas majeur comme problème. L'important c'est de former les gens à la prise en charge, quoi. Et donc ça voudrait dire que voilà, c'est vraiment particulier comme handicap et qu'il n'y a pas grand monde non plus qui s'intéresse à ce problème-là, enfin si c'est un problème. Oui, d'une certaine, enfin c'était le cas en tout cas quand notre association a commencé. Depuis lors, on a vraiment beaucoup évolué, mais c'est vrai, pas suffisamment. Hein, et nous nous battons pour que, enfin nous luttons, pour que, en tout cas le handicap mental, et avec différentes possibilités, comme par exemple l'autisme, soit enseigné, en tout cas dans tous les métiers médicaux et paramédicaux. Hein, il n'est pas normal que je vous racontais tout à l'heure que pour faire un test auditif dans un hôpital ici de la région, une infirmière de 50 ans, en guirlandais, un gamin de 10 ans, autiste avec handicap mental important non verbal, parce qu'il ne tenait pas tranquille. Hein, donc ce qui montre, c'était pas une méchante femme, mais ça montre qu'elle ne connaissait rien du tout, elle ne comprenait rien du tout, elle croyait que c'était un problème caractériel, elle n'avait pas du tout compris qu'il s'agissait d'un problème d'autisme, donc... Hein. Ben voilà. Donc, c'est une chose importante et nous nous battons pour que ça se passe dans le domaine de la formation initiale des professionnels. Je parle par exemple des éducateurs qui vont aller travailler dans le milieu du handicap et de la maladie. Hein, donc, ben, il faudrait au moins qu'ils aient une formation initiale. Qui ne sera pas très spécialisé, mais qui au moins connaissent certains principes, qui comprennent de quoi il s'agit et qui connaissent certains principes. Et dès qu'ils doivent travailler de manière régulière avec des personnes, je parle ici de personnes autistes, il faut une formation spécialisée. Ben sinon, les gens sont désarmés. Par exemple, un des gros problèmes de l'autisme, pourquoi est-ce que l'autisme fait quand même parler de lui, parce que un des symptômes, un des phénomènes dérangeants, ce sont les troubles du comportement. Donc l'autisme, comment est-ce qu'on voit quelqu'un est autiste? Ben, parce qu'il a des comportements bizarres, difficiles, et en tout cas dérangeants, interpellants. Bon, ben, voilà. Donc il faut qu'un professionnel qui va devoir travailler avec ce type de personne soit préparé à rencontrer ces comportements et à y faire face, de manière efficace. Et ne pas renforcer le trouble du comportement parce qu'il le prend de manière inadéquate. Hein, donc ça, c'est le coup classique. Un autiste développe un trouble du comportement, donc une réaction complètement bizarre, et la réaction de la personne en face, si elle est inadéquate, ne va faire qu'augmenter le problème. Je sais pas moi, mais la comparaison est valable si vous avez quelqu'un qui s'énerve. Si vous vous énervez, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez augmenter et vous allez déboucher sur. Ben, c'est pareil dans le cas d'une personne autiste qui développe un trouble du comportement. Alors, ben, l'entourage et les professionnels doivent apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour. Mais. Je n'ai jamais dit que c'était simple. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, il y a autant d'autisme qu'il y a de personnes autistes, donc la réaction doit être adaptée à la personne. Hein. Et donc, il y a des bases à apprendre, et puis après, il y a l'expérience et s'améliorer, surtout pour les gens dont c'est le métier. Et vous, monsieur, vous êtes qui, en fait? Et comment ça se fait que vous vous intéressez comme ça C'est votre métier depuis longtemps ou pas du tout? Donc je n'ai strictement rien, pas eu affaire à l'autisme. En fait, je suis grand-père. Et donc, nous avons découvert l'autisme avec notre petit-fils. Et nous avons vécu, parce qu'il a maintenant une vingtaine d'années, et donc nous avons vécu tout le balbutiement, le développement dont je viens de vous parler. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'association, parce que les premiers qui nous ont aidés, c'est l'association, c'est la PEPA. C'est l'ancien président, M. Fonder, qui est le premier, nous a mis sur la piste de l'autisme et des premières choses à faire. Mais mon petit-fils montre bien tous les travers, tous les problèmes que rencontrent les parents. Vers les 2 ans, les deux grands-mères, donc mon épouse et sa maman, ont signalé aux parents qu'il y avait un problème. Il a fallu accepter que les parents acceptent cette remise en question. Et puis, notre fille est allée dans un hôpital pédiatrique passer une semaine de tests, dont l'enfant est sorti sans diagnostic. Donc, vers les 2 ans, 2 ans et demi. Quelle année, ça? Bon, dans les années 90. Dans les années 90. Hein. Donc, plutôt vers 90... 96, quelque chose comme ça, 96. Mais, c'est tout à fait inadmissible parce que notre petit-fils, comme je l'ai peut-être dit, il est handicapé mental, sérieusement handicapé et non verbal, et avec de sérieux troubles autistiques. Donc, je crois qu'un professionnel, même pas spécialisé, devait le voir. Donc, c'est le premier problème. Deuxièmement, peut-être l'ont-ils vu, ne l'ont pas dit, ce qui ne vaut pas mieux, parce que... Et donc, c'est finalement, le diagnostic a été réellement posé et exprimé à l'âge de 5 ans. C'est particulièrement... on me dit que ce n'est pas un problème d'année, mais on peut faire quelque chose pour les personnes autistes. Hein, et les méthodes dont j'ai parlé d'enseignement et tout ça permettent d'agir sur l'autisme de l'enfant ou de la personne. Mais il faut profiter... de la plasticité du cerveau. Et on sait maintenant, mais pour tous les enfants, qu'en 3 et 6 ans, c'est le moment le plus favorable pour toute une série d'apprentissages. Hein, donc on profite de cette plasticité. C'est encore plus important pour des enfants avec un handicap, avec un problème comme celui de l'autisme. Et donc dans le cas de mon petit-fils, bon, on a perdu des années. Et on a pu réellement commencer à s'adapter et à partir de diagnostic. Mais c'est dingue qu'après 3 ans alors, si je comprends bien, la médecine, je veux dire ça comme ça, a pu remarquer que... est-ce que vous vous trouviez au bon endroit ou bien c'est un point de vue général pour dire qu'au fond on est... Ici en Belgique, puisqu'on parle qu'on est en Belgique, ben il y avait vraiment pas les outils pour diagnostiquer ça, ou bien comment vous analysez ça? C'est-à-dire qu'il y avait déjà des outils, mais encore fallait-il les trouver. Une des grandes activités de notre association, c'est de diffuser l'information de manière. Et j'ai parlé d'un site tout à l'heure. Ce site est destiné à faire savoir que. Qu'est-ce que c'est que l'autisme et où puis-je, moi comme parent, où puis-je trouver les informations nécessaires et qu'est-ce que je peux faire et où dois-je m'adresser pour pouvoir faire ce qu'on me conseille. Mais à l'époque, c'était très peu connu. Il y avait déjà notre association qui se battait, mais si vous ne tombez pas sur la bonne source d'information, et malheureusement nous on n'est pas tombé tout de suite, mais c'était l'époque où l'âge moyen diagnostique était vers 4 ans, 4 ans et demi. Hein? Et donc, depuis lors, maintenant, on en est au moins à 3 ans. Donc, et on devrait pouvoir diminuer encore. Le problème, c'est que pour l'instant, on diagnostique à 3 ans. Le problème, qu'est-ce qu'on fait après? Et donc, maintenant, nous travaillons sur les prises en charge qui suivent le diagnostic. Et c'est là qu'on a encore pas mal de pain sur la planche, puisqu'on devrait pouvoir commencer dès la maternelle. Mais là, on a très peu de classes spécialisées. Nous avons en primaire, cette fois-ci maintenant, pas mal de classes spécialisées en autisme, mais très peu en maternelle. Et on n'a pas le même développement dans le secondaire. Donc, on a des problèmes de continuité. Et là, il y a vraiment de... Maintenant, il y a aussi des... Ça m'amène sur un tout autre terrain. Un des nouveaux développements, c'est que on a développé beaucoup l'intégration en milieu ordinaire. Parce que pour les enfants qui ont une intelligence normale, mais de l'autisme, les classes d'enseignement spécialisées pour autistes ne sont pas tout à fait indiquées, puisqu'elles rassemblent surtout des enfants avec un handicap mental important. Et donc pour les autres, il faudra. Mais on a eu un décret d'intégration l'année passée. Donc le combat continue. Petit à petit, je vous disais, 2004, la reconnaissance comme un handicap spécifique. L'année passée, un décret sur l'intégration. Donc les choses progressent. Mais il manque de place. Hein. On manque de place. Bon, dans les écoles, dans l'ensemble. Oui, il manque de place pour l'autisme, c'est ça ? Pour l'autisme, oui. Mais donc, je dirais que dans le domaine des enfants, avec toutes les lacunes que j'ai énoncées, mais il y a quelque chose et ça va de mieux, ça se développe de plus en plus. Actuellement, le gros drame, ce sont les adultes. Parce qu'à la sortie de l'école, quoi ? Hein, et donc, et de nouveau avec cette problématique qu'il y a autant d'autisme que de personnes autistes, la société belge n'offre pas suffisamment de solutions pour la suite. Donc cet après-midi, je vais à une réunion ici d'un groupe de la commission subrégionale qui s'appelle 16-25. Et c'est parce que ce n'est pas seulement pour l'autisme, mais pour pas mal de handicaps, mais surtout pour les handicaps lourds, il n'y a pas actuellement pas de continuité. Et donc, après l'école, les parents se retrouvent avec leur jeune sur les bras. Parce que la société ne peut pas les intégrer. Soit leur offrir un travail, soit leur offrir une activité valorisante, soit de manière à ce qu'ils puissent vivre. Et donc, on les renvoie. Il y en a encore qui sont renvoyés à la maison. Et puis quoi, hein. Je fais souvent la comparaison, c'est que renvoyer ces jeunes dans leur famille, c'est comme si vous allez à l'hôpital, vous avez une maladie importante, et puis on vous dit, vous savez, bon, on n'a plus de place, il faut retourner chez vous, quoi. Hein? Et alors, c'est pas des. Donc il y a une sérieuse problématique. Hein. Et la société, elle pourrait offrir quoi, en fait, à ces grands autistes ? C'est-à-dire que. Du travail à ceux qui ont les moyens, en tout cas les moyens intellectuels et physiques pour le faire. Hein. Et donc là, c'est tout le combat d'une nombre de places à offrir aux personnes avec un handicap. Mais ça, c'est pas seulement pour les autistes, hein. C'est un combat pour tous les handicaps. Pour ceux qui ont un handicap plus lourd, des activités, par exemple, de centre de jour, des places en centre de jour avec des activités orientées pour leur problème. Pour certains, si les parents ne peuvent plus assumer, des centres résidentiels, donc des centres de vie. Hein. Il faut d'ailleurs savoir qu'avec plusieurs associations, nous avons, et la Ligue des droits de l'homme, nous avons déposé une plainte au Conseil de l'Europe contre la Belgique, contre l'État belge dans son ensemble et dans toutes ses entités, pour une prise en charge inadéquate, insuffisante des personnes avec handicap de grande dépendance. Et je viens d'apprendre que la demande est recevable, a été déclarée recevable. Ça ne veut pas dire maintenant que. Mais bon, il faut savoir qu'il y a quelques années, la France a été condamnée. Le Conseil de l'Europe ne condamne pas, mais le Conseil de l'Europe émet une résolution qui dit que tel pays ferait bien d'améliorer ses prises en charge, etc. Et c'est ce que nous espérons, et nous espérons que ça fera bouger un petit peu les choses, parce que c'est vrai que c'est la crise, mais c'est un problème de priorité. Et là, on ne peut plus accepter des situations où on renvoie à la maison des personnes qui ont un handicap lourd, et là, il n'y a pas seulement que l'autisme, et on confie à des parents qui ne sont pas des professionnels la lourde tâche de s'en occuper. Il y a toutes sortes de conséquences. Il y a eu des drames où des mamans, ce sont surtout des mamans, ont carrément tué leur enfant et puis hein, Mais il y a surtout énormément de mamans, parce que ce sont souvent les mamans qui font ce sacrifice, qui doivent alors rester à la maison, arrêter de travailler, arrêter leur carrière. Et il faut savoir qu'il y a maintenant une association qui s'appelle les aidants proches et qui a été mise en place par la Fondation Roi Baudouin. Mais à l'origine, il y avait deux mamans de notre association, une enseignante et l'autre une chercheuse universitaire, et qui toutes les deux, à cause du problème de leur enfant, ont dû rester à la maison. Et c'est en échangeant leur triste expérience et en disant que c'était injuste. Par exemple, il y en a la personne qui était universitaire, son mari continuait à les rechercher, et elle, qui avait la même qualification, devait rester à la maison pour s'occuper de leur gosse handicapé. Hein? Et donc, ça a commencé, ça s'appelait des femmes de mère, etc. Mais c'est une situation qui se développe parce que la société belge, et surtout en communauté française, ça va un peu mieux en Flandre, c'est peut-être dû à la situation économique, n'offre pas de solution acceptable. Et donc vous avez des gens qui sont obligés de jouer, de devenir éducateurs, soignants, etc., à domicile. Par manque de... parce que la société n'y fait pas face. Et nous espérons, ce mouvement s'appelle, auquel dont nous faisons partie, s'appelle le GAMP, Groupe d'Action pour le Manque de Place. Le GAMP avait commencé sur Bruxelles, où la situation, contrairement à ce qu'on peut penser, est particulièrement déficitaire. Donc, capitale de la Belgique, capitale de l'Europe, eh ben, c'est quand même là que, en tout cas dans le domaine de l'autisme et d'autres handicaps de grande dépendance, c'est là que la situation est la plus interpellante, pour ne pas dire autre chose. Il y a des situations qui sont tout à fait inacceptables en amont. Le micro fait du bruit, c'est pas bien. Ça fait 42 minutes qu'on parle. On va boucler. Est-ce que vous voyez quelque chose à dire que vous n'avez pas dit et profiter du micro pour le dire? Ben oui, c'est-à-dire, ici, j'ai, en répondant à vos questions, on a surtout souligné les aspects négatifs. Le positif, c'est que ma petite expérience, je suis entré ici à l'association en 97. Et je vais quand même constater que les choses ont évolué. J'ai parlé de différents décrets, de mesures qui ont été prises, donc les choses évoluent. Par contre, il n'y a toujours pas de pilule de l'autisme. Donc, on peut pas. Le médecin, il peut faire un dépister, il peut poser un diagnostic, il peut éventuellement accompagner pour les phénomènes, collatéraux du type hyperkinésie, etc. Parce que les médicaments, il faut trouver très, très, très peu d'amants. Mais on n'a pas de pilule de l'autisme. Par contre, j'ai parlé de l'enseignement. À l'heure actuelle, c'est l'enseignement qui peut le plus pour les personnes, en tout cas pour les enfants autistes. Et il faut continuer cet effort, éventuellement le développer, et que ce soit dans l'enseignement spécial ou dans l'enseignement ordinaire. Ce qui se développe maintenant beaucoup, c'est l'intégration. On n'en a pas parlé, mais à un moment donné, on a parlé d'épidémie d'autisme. Ça n'est pas vrai. D'épidémie d'autisme? Pas d'épidémie d'autisme. Mais par contre, les chiffres qu'on m'a enseignés quand je suis entré à l'association, maintenant, ils ont doublé, voire triplé, donc de personnes autistes. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on les diagnostique. Et qu'on diagnostique de plus en plus d'autistes avec une intelligence normale, voire supérieure. Et ces gens-là, dans le temps, ils n'étaient pas considérés. On croyait qu'un autiste, c'était quelqu'un qui n'avait pas d'intelligence, c'était un lourdement handicapé. Moi, quand je suis entré, on m'a parlé de 75% de mutiques, etc. Maintenant, les chiffres sont carrément inversés. Une majorité de personnes autistes ont une intelligence, une certaine intelligence, voire une bonne intelligence, voire une intelligence supérieure. Et c'est ce qui fait que on parle maintenant de 60 000 à 100 000 personnes autistes en Belgique, ce qui n'est plus un chiffre tellement négligeable. Au départ, c'était presque une maladie rare, mais non, on pensait que ce n'est pas rare, c'est un problème important de société. Donc on s'est quand même amélioré. Je veux dire que le diagnostic maintenant on le pose vers avant 3 ans. Donc cela aussi c'est une amélioration. Mais les prises en charge ne suivent pas à la même vitesse. Et donc, le nombre de personnes qui, par exemple, quand on arrive à l'âge adulte, vont rester sur le carreau, expression familière, augmente. Hein? Et donc là, là, il y a un travail à faire. Mais on a quand même progressé. Et l'autre piste, qui, c'est le progrès de la science. Et donc, j'en ai parlé tout à l'heure, on comprend de mieux en mieux les phénomènes dans le domaine de la génétique, mais peut-être qu'on pourra développer des thérapies de type génique. On comprend de mieux en mieux les problèmes de développement neurologique, peut-être qu'on va pouvoir développer des prises en charge de type neurologique, des interventions sur les neurones. Donc là, mais ça, c'est pas pour les parents aujourd'hui, mais on progresse. Donc là, là, il y a quand même du positif. Et ensuite, troisièmement, il y a la psychologie. Le mot m'échappe, enfin bon, donc mais opérationnel, je dirais, qui a fait aussi énormément de progrès. Hein. Donc on appelle ça, je crois maintenant, neuropsychologie, enfin, donc... et là, on fait énormément de progrès. Et ça, elle est d'application déjà maintenant. Donc l'enseignement, ça, c'est déjà d'application. Et deuxièmement, l'intervention psychologique, éducationnelle, celle-là, ça donne d'excellents résultats, surtout quand on démarre tôt. Vous savez, par exemple, nous avons des choses que d'autres pays nous envient, hein, comme le Chaboté, qui est un établissement qui prend en charge de très jeunes enfants, hein, entre 3 et 6 ans. Mais là, et ça donne d'excellents résultats, et c'est surtout là, le moment le plus efficace pour le faire, hein. Il y a 2-3 autres endroits, mais c'est pas suffisant, il faut continuer à développer. On a presque toutes les pistes, hein. Et avec tout ce qui ne va pas en Belgique, figurez-vous que nous faisons envie aux autres et que nous hébergeons des milliers de Français, et dans nos établissements, dans nos institutions. Et donc des milliers de Français, enfants et adultes, et dans nos établissements, mais aussi dans nos écoles. Et par exemple, dans nos écoles, c'est un phénomène qui commence à poser problème, comme il a posé problème dans d'autres domaines pour les vétérinaires, les dentistes, etc. Et bien maintenant, dans le domaine de l'autisme et du handicap mental en général, c'est une problématique qui se développe de manière... comment dire, interpellante. Il y a un an ou deux, on parlait de quelques centaines de Français dans nos écoles. Maintenant, on parle de milliers. On est parti entre 1000 et 2000. Mais ça pose problème parce que dans les établissements, il faut savoir que la journée que l'État, hein, paye pour une personne, je parle de ce que je connais, d'une personne autiste en France, c'est plus du double de ce que... Donc, quand un établissement en Belgique prend une personne française, il y a de l'argent qui accompagne. Dans le domaine de l'enseignement, c'est tout à fait différent. Et donc là, c'est un problème qui est en plein développement. Mais donc, tout ça pour vous dire que notre situation est loin d'être idéale, elle pose encore énormément de problèmes, mais elle fait quand même envie à d'autres qui sont encore moins bien lotis que nous. Merci, monsieur. Voilà. Vous vous appelez Freddy Hano. On l'a dit au début, je pense, non? Je ne sais pas. Bah voilà, c'est dit maintenant. Merci beaucoup. Hein. Micro ouvert. Les mots ont des oreilles. Ont des oreilles.